Eric Wimana sur la mise en onde. Merci d'avoir choisi la radio Sanganiro. Bienvenue dans cette édition langue française dont voici les principaux titres. Les Burundais vivant en République démocratique du Congo dans la ville d'Uvira dénoncent la confiscation de leurs titres de séjour et autres documents migratoires pendant les opérations de fouilles et perquisitions. Et les agences de transport basées à Bujumbura servant les pays de la sous-région disent travailler à perte après la décision portant fermeture des frontières terrestres burundo-rwandaises et disent faire actuellement de longs trajets. Et les habitants de la zone urbaine de Buterere déplorent l'état d'impraticabilité de la route menant vers le quartier Nyarumanga. Ils demandent aux instances en charge de la réhabilitation des routes de tracer des caniveaux sur cet axe routier pour sauver ce qui reste à sauver. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt dans les titres, les agences de transport en commun basées au marché Bujumbura City Market dit chez Sion, servant les pays de la sous-région comme le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda disent travailler à perte après l'annonce de la fermeture des frontières burundo-rwandaises. Ces agences disent faire de longs trajets, déplorent également la réduction des effectifs des passagers et demandent que les deux gouvernements engagent un dialogue franc au profit de la libre circulation des biens et personnes. Le point avec Évariste Nzikobanyang. Le transport au-delà des frontières burundaises sont tous paralysés, voire même interrompus pour les uns au moment où les autres entrent et sortent par la frontière tanzanienne. Ceux qui transitent vers le nord Kivu en RDC passent par le sud Kivu à Uvira précisément. Les transporteurs indiquent que le trajet est très long par rapport au trajet Burundi, Ruhwa, Bukavu. Même les véhicules sont endommagés et les pertes sont énormes, ajoute-t-il. Ceux qui entraient au Rwanda par la frontière de Kanyaruho et Gasenyinemba, il y a ceux qui ont pris l'option de passer par la Tanzanie, une route impraticable selon le chef d'une des agences rencontrées au marché dit chez Sion. La perte est énorme. D'abord, il n'y a pas de clients. Maintenant, nous passons par la Tanzanie. Et la route de la Tanzanie n'est pas en bon état. Il y a dommages matériels, il y a aussi la perte du temps. Le voyage qui durait auparavant une seule journée, ça prend 2 jours. Donc il y a la perte de la part de l'agent, des agences, il y a aussi la perte de la part des clients. D'autres agences ont interrompu le transport au-delà de nos frontières. Le responsable d'une des agences qui ont pris cette option explique que les pertes sont énormes. Comme vous nous avez trouvé ici sur place, on avait le personnel de Volcano ici qui est en chômage actuellement. Il y a les passagers qui sont déplacés de deux côtés, du Burundi au Rwanda et du Rwanda au Burundi. Actuellement, ces gens-là ne peuvent pas faire les déplacements. Il y a aussi les taxes et impôts qu'on paye parce que chaque fois qu'on fait entrer un bus de transport, ils payaient $72 et on avait au minimum 2 bus par jour, donc 2 rotations par jour. Donc la perte est vraiment énorme. On payait des bureaux ici. Et il y a d'autres charges aussi qu'on paye au niveau du ministère des Transports. Donc, pour nous, la perte est énorme. Les commerçants au marché dit chez Sion, eux aussi déplorent le manque des clients, car les étrangers ne viennent plus à cause de cette mesure de fermer la frontière burundo-rwandaise. Tous demandent au gouvernement burundais et rwandais de trouver solution aux différends qui les opposent pour que la circulation aux frontières puisse reprendre. Évariste Nzikobanyang, le dialogue demeure la seule voie diplomatique dans la résolution des conflits existants entre le Burundi et le Rwanda. Propos du président du Parti Congrès National pour la Liberté, CNL, après l'annonce de la fermeture des frontières burundo-rwandaises par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique la semaine dernière. Agathon Rwasa a trouvé qu'une telle décision affecte socialement et financièrement les populations environnant ces frontières. Nous avons été surpris, comme tout le monde, parce que au vu des développements dans les relations entre le Rwanda et le Burundi, on espérait qu'on allait de mieux en mieux. Et tout d'un coup, on voit le Burundi décider de fermer les frontières. Des Burundais qui ont épousé des Rwandaises ou des Rwandais qui ont épousé des Burundaises, ces liens familiaux se trouvent un peu gênés par cette fermeture. Si on analyse ce qu'il y a comme situation de crise au niveau de la RDC, le Rwanda a toujours été accusé par Kinshasa de soutenir le M23. N'en déplaise, le Rwanda n'a pas fermé les frontières avec le Congo et le Congo n'a pas décidé de fermer ses frontières avec le Rwanda. De surcroît, les Congolais utilisent le territoire burundais et rwandais pour quitter un point du Congo vers un autre point du Congo. Je crois que leurs camions, leurs voitures, ils payent quand même les droits de passage quelque part sur nos frontières. Tout cet argent, est-ce qu'il y a un substitut pour ces revenus qui d'office ne peuvent plus rentrer dans le fisc? Alors, je me dis que la voie la mieux indiquée, c'est la voie diplomatique. Parce que le Burundi n'a pas fermé son ambassade à Kigali et Kigali n'a pas rappelé son ambassadeur et fermé sa mission diplomatique à Bujumbura. Ce qui serait conseillé à nos dirigeants, c'est d'essayer d'apaiser toutes ces tensions qu'on essaie d'allumer ici et là en ouvrant la voie diplomatique. On a entendu souvent, d'ailleurs même le président du Burundi a dit dans sa communication du dernier vendredi du mois passé, on a entendu affirmer que le Red Tabara était aux côtés du M23 et nul n'ignore que le M23 se bat au Congo. Alors, si le M23 combat côte à côte avec le Red Tabara au Congo et que pour des raisons sécuritaires, le Burundi cherche à fermer ses frontières, le Burundi fermerait mieux les frontières avec le Congo qu'avec le Rwanda. Parce que si ces deux mouvements coalisés devraient attaquer le Burundi pour conquérir le pouvoir, un pouvoir qui est basé à Bujumbura, il passerait par le Congo, non pas par le Rwanda, parce que Bujumbura est plus proche du Congo que du Rwanda. Dans la suite de ce journal, les ressortissants burundais vivant dans la ville d'Uvira, République démocratique du Congo, disent être victimes de la confiscation des titres de séjour et autres documents migratoires lors des opérations de fouilles et perquisitions dans les quartiers de cette ville. Ils demandent aux autorités burundaises d'entrer en contact avec celles de la RDC pour trouver favorablement une réponse à cette question. Le point avec Jérémy Kouima, notre correspondant basé à Uvira. Dans une interview réalisée avec certains membres des comités des Burundais vivant à Uvira pour des raisons professionnelles, ils disent ne pas être opposés à l'exercice des forces de l'ordre, à savoir des fouilles et perquisitions, mais ils souhaitent qu'il y ait une certaine clémence pendant cette activité, surtout à l'endroit de ceux qui disposent de laisser passer ces PGL, mais dont leurs permis de séjour ont déjà expiré. Il proteste également contre les comportements de certaines forces de l'ordre qui récupèrent des biens de valeur dans les maisons des Burundais pendant cette opération. À la question de savoir si certains Burundais ne collaborent pas avec des membres des groupes armés, ces derniers disent n'être à Uvira que pour chercher du travail et non pas pour s'ingérer dans la politique intérieure de la RDC ou même nuire à la sécurité de leur pays d'origine. Le Burundi. Le maire de la ville d'Uvira, Kiza Mwato, qui s'est exprimé déjà à des reprises au microphone, a fait savoir que l'activité, la fouille et perquisition qui est en train d'être réalisée, et c'est fait puisqu'il y avait déjà des soupçons d'une présence des groupes armés étrangers sur le sol congolais. Des Burundais qui vivent avec les cartes congolais et les gens qui viennent recruter dans les camps réfugiés pour les Red Tabara. Donc c'est autant dire que nous négligeons notre sécurité. Et c'est pour cette raison que nous étions déjà envahis par ces événements malheureux de hacher les têtes par les machettes et des tueries. On ramassait déjà les cadavres chaque jour. Depuis Uvira, Jérémy Kouima pour Radio Télévision Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Vous suivez toujours la radio Isanganiro, il est 18h09. Le ministère de l'Agriculture, dans ses attributions, prévoit d'augmenter la production agricole en utilisant de nouvelles techniques professionnelles, dont la mécanisation. Lors d'une réunion avec les administratifs et les intervenants dans ce domaine, ce lundi, le ministre Prosper Dodiko a indiqué que la quantité de distribution d'engrais chimiques a quitté 6 000 tonnes en 2012 à plus de 100 000 tonnes en 2023, ce qui a permis une augmentation de la production, n'est-ce pas, Jean-Marie Mayong? Le ministre Prosper Dodiko a précisé que son ministère va travailler et faire le suivi pour voir si l'engrais chimique distribué arrive aux concernés, parce qu'il a été constaté que les fois, la quantité distribuée n'arrive pas aux agriculteurs comme il faut, ce qui a entraîné des grognes au sein des cultivateurs. Nous devons nous rassurer que la quantité des engrais distribués arrive bien aux agriculteurs. Nous ne voulons pas entendre les commissionnaires dans la distribution des engrais. En 2012, on nous donnait 6 000 tonnes dans tout le pays. En 2013, quand le nouveau programme a démarré, nous avons distribué 13 000 tonnes et nous avons monté jusqu'à plus de 107 000 tonnes pour l'année 2023. Ces 107 000 tonnes nous ont coûté plus de 256 milliards. C'est vrai, nous avons vu que la production a augmenté. Ce ministre signale également que pour augmenter la production, son ministère va utiliser d'autres techniques modernes comme l'utilisation des machines et l'application de l'agriculture familiale où le cultivateur pourra cultiver la quantité à consommer qui ne demande pas assez de quantité de l'engrais chimique. Le ministre Dodiko Prosper a annoncé que dans les jours à venir, il y aura des enquêtes pour connaître le nombre des agriculteurs et les superficies des terrains d'exploitation pour être au courant comment il pourra distribuer des engrais tout en évitant des grognes pour certains qui disent qu'ils ne reçoivent pas la quantité suffisante des engrais chimiques pour leur culture. Merci Jean-Marie Mayonga. De l'agriculture aux infrastructures, la route du quartier Nyarumanga menant vers l'endroit communément appelé Mugitwa en zone urbaine de Buterere est impraticable suite à la boue, ce qui rend la circulation impossible. Les habitants de cette localité regrettent que la situation s'empire durant la saison des pluies suite au manque de caniveaux sur cet accès routier. Le chef de zone Buterere trouve que ces caniveaux seront tracés pendant les activités communautaires. Le reportage est signé Ornella Munch. Cette route située à la première rue au quartier Nyarumanga, à l'endroit communément appelé Mugitwa, c'est en zone de Buterere, est boueuse et impraticable. La circulation est gênante et presque impossible aux véhicules et aux piétons. Ces derniers qui sont obligés d'emprunter cette route entre vêtements et chaussures souillées. Une autre chose constatée est qu'il y a une école primaire qui se trouve sur cette route. Des habitants de cette localité disent vivre dans la frustration. Les motards ne peuvent pas accepter de transporter un client ici. Et si jamais ils acceptent, c'est à un prix élevé car ils comptabilisent aussi les risques. Une moto qui a passé à Nyarumanga est facilement reconnaissable. Et cela s'aggrave chez les enfants, ils y rentrent totalement souillés. Et les parents doivent tous les jours laver leurs vêtements et chaussures. Lorsqu'il pleut, les eaux débordent, c'est un sérieux problème. Nous supplions l'État de prendre à main cette question. Et l'autre conséquence, la circulation des bennes qui transportent les briques est actuellement impossible. Il n'y a même pas des caniveaux. Qu'ils entendent nos cris, nous méritons vivre comme les autres dans de bonnes conditions. Sur ces plaintes, le chef de zone Buterere affirme que des travaux de poser des briques sur cette route sont déjà prévus. Nous comptons poser des briques sur cette route. Je profite de l'occasion pour demander à l'État le pavage de la zone Buterere comme prévu dans d'autres zones. Et nous avons l'espoir qu'il y aura une bonne suite à nos doléances. Toutefois, il interpelle les habitants de la zone Buterere d'effectuer des travaux communautaires en construisant des caniveaux pour limiter les dégâts. Ornella Mucho. Et pour clore cette édition, la population de la colline Bgizabgeranga en commune et province Ngozi grogne suite à la fermeture de leur robinet d'eau. Il y a à peu près 3 semaines, ces habitants disent avoir du pain sur la planche à trouver actuellement de l'eau potable. Et le responsable de la régie communale de l'eau explique avoir fermé ses robinets en vue d'éviter que des malfaiteurs jettent du poison ou des déchets dans des réservoirs d'eau après le vol des couvercles métalliques. J. Denis Guimane a dit que, qu'en commun accord avec l'administrateur communal, ils sont en train de voir comment redistribuer cette eau et protéger également tout le matériel. Le point avec Apollinaire Muzagar. Selon J. Denis Guimane, responsable de la régie communale de l'eau, 8 couvercles métalliques dits traptions des réservoirs d'eau ont été volés sur cette colline dès Noël dernier jusqu'au 1er janvier 2024. La régie communale d'eau et l'administration communale ont alors décidé la fermeture des robinets afin d'éviter que des malfaiteurs puissent introduire dans ces réservoirs d'eau des déchets ou poisons nuisibles à la santé humaine. La population de la localité ne nie pas ces cas de vol d'eau traption et propose plutôt des collectes d'argent afin d'acheter ces réservoirs, chose rejetée par Egide Nizeguimana, arguant que la loi n'autorise pas cette collecte, mais il tranquillise que sous peu, ces couvercles seront achetés, ainsi que le matériel en panne afin d'alimenter à nos cette partie. Il parle aussi des stratégies à adopter afin de protéger ce matériel contre ces bandits et appelle même le concours de la population dans cette protection. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et voilà, à 18h17, c'est la fin. À 18h17, c'est la fin de cette édition à langue française. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que les Burundais vivant en République démocratique du Congo, précisément dans la ville d'Uvira, dénoncent la confiscation de leurs titres de séjour et autres documents migratoires pendant les opérations de fouilles et perquisitions. Le maire de la ville d'Uvira craint l'infiltration des éléments des groupes armés étrangers de Red Tabara. Et les agences de transport basées à Bujumbura et servant les pays de la sous-région disent travailler à perte après la décision portant fermeture des frontières terrestres burundo-rwandaises et disent faire actuellement de longs trajets. Et la population de la colline Bgizabgeranga, commune et province Ngozi, grogne suite à la fermeture de leur robinet d'eau il y a à peu près 3 semaines. Point final à cette édition en langue française. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Placide Niamungere. Bonne suite des programmes à la radio Sangani.